je vais vous présenter. É o som do samba. Je vais vous présenter. É o som do samba. Je vais vous présenter. É o som do samba. Je vais vous présenter. É o som do samba. Merci beaucoup, chéri, para você que faz esse swing gostoso, balançando a galera, faz até estremecer. Até chegar no joelho.